πολλοί εσύ βαλαντέ κονιό. Jamais ma petite à Monaco, la moya de le bateau. Sans les cheveux gominés, okay. Je roule à 200, je suis plus en mobilette. Je la laisse croire qu'elle peut dominer. J'ai pas le cœur à ça, non, je voulais pas l'abîmer. Dans un palace, on va se confiner. De la Volvo avec un faux filet. Je crois qu'on m'a reconnu là, c'est un bourbier. Je fais plaisir au serveur, je lui laisse un gros billet. T'inquiète, je suis tranquille. Tu restes au quartier, moi je veux me marier. Ouais, je me souviens d'hier. Rappelle-toi, tu faisais passer ma. Ça fait plaisir, j'entends mon son partout. Je ramène la petite à Monaco.